Chapitre 5e. Muni de ces renseignements précieux, Denis n'eut plus qu'une pensée unique, qui était d'entrer dans l'intimité de ses voisines, ou du moins de lier connaissance avec elles. Moins l'entreprise était facile, plus sa fantaisie devint vive. Assurément, les gens sages dont nous avons parlé, gens de sens et de jugement, vont sourire de pitié, en le voyant arrêter au premier pas et pour si peu de choses. Madame Champion n'était-elle pas lingère? Que n'entrait-il commander des chemises ou des mouchoirs, ou tout autre objet du même genre? Voilà qui va de soi, mais les portes qui s'ouvrent avec la clé d'or, les gens comme Denis doivent en surprendre le secret. Après avoir roulé dans sa tête tous les honnêtes prétextes dont il pourrait se servir pour établir des rapports de bon voisinage, voici ce qu'il imagina. « Toutes les fois, se dit-il, qu'il m'est arrivé dans ma vie de me rendre chez quelques personnages, et de préparer en chemin un beau dialogue dans lequel j'étais plein d'assurance, d'esprit et d'à propos, j'ai remarqué que je restais sot comme un dieu terme, et que je ne trouvais rien à dire, ni en entrant, ni en sortant. Par conséquent, j'irai sonner à leur porte et j'attendrai tout de mon inspiration. » Cette tactique audacieuse prouve suffisamment que Denis était non seulement amoureux, tout le monde peut l'être, mais encore qu'il avait le génie de l'amour. Ce qui fut résolu, fut fait. Il descendit un étage et sonna à la porte de ses voisines. Ce fut Mademoiselle Champion qui vint lui ouvrir. Si Denis eut préparé un beau dialogue avec la mère, débutant par un exorde par insinuation, ainsi que le recommande expressément Quintilien, pour rendre son auditeur attentif et bénévole, on voit qu'il aurait perdu sa peine. Si, d'autre part, il avait eu la précaution de préparer un deuxième discours à l'adresse de la fille, son cœur battait si fort dans sa poitrine, son regard était si troublé, qu'il n'aurait pu trouver ni prononcer une seule parole. Cependant, la jeune fille, habituée à ouvrir la porte à des étrangers de tout rang, de tout sexe et de tout âge, le pria froidement d'entrer et referma tout simplement la porte. Comment pouvait-elle savoir que ce jeune homme d'humble apparence et pauvrement vêtu l'aimait éperdument? L'avait-elle deviné? Oui, les femmes savent qui les aiment. Denis avait repris son aplomb, sentant qu'un mot allait décider de lui, et ce fut d'un pas ferme qu'il traversa la pièce d'entrée qui donnait accès dans l'atelier de lingerie. Madame Champion s'y trouvait seule. À l'aspect de Denis, qu'elle connaissait de vue pour l'avoir rencontré, elle laissa tomber son infaillible coup d'œil de marchande, de femme et de mère sur l'étrange visiteur qui n'avait pas la mine d'un client. Il n'avait pas l'air d'un voleur non plus, mais elle flairait l'ennemi. Son regard, toutefois, perdit un peu de sa fixité inquisitoriale quand elle vit sa fille reprendre sa place auprès de la fenêtre d'un air parfait d'indifférence et de tranquillité.